ki mom boy dudul won quoi yaayam xey rek fekk ko mu tok ci neegum ni quoi dudul lu ra jangi wo tay muneko suñu musse dama amé une semaine vacances dama nek sama yaay da am bébé muneko lu tax waxo ko ay cheikh la am muneko man lama dof dama jeng ci benn bi pour semaine prochaine